nostalgie, c'est la petite étoile, comme un diamant tout au fond de tes yeux, qui hier encore faisait tant de ravages, à coups d'éclat dans le cœur de ces dames. La nostalgie, c'est ces petites rides qu'un peintre de la vie a su dessiner là, mais c'est aussi de ne pas se le dire, et de se dire t'as pas changé, crois-moi. La nostalgie, c'est un peu la rancune de nos 20 ans passés trop librement. Et c'est aussi le prix d'une fortune, de peu d'argent gaspillé dans le vent. La nostalgie, c'est de ces longs voyages dans les nuages, sur des rivages bleus, autant d'histoires d'amour que de naufrages, un coup de chapeau au rescapé heureux. La nostalgie, c'est de se souvenir qu'il y a longtemps, nous, on s'était aimés, et que ce soir, poussé par nos désirs, tout simplement, on peut recommencer. La nostalgie, c'est aussi la devise qu'une nuit d'amour ne peut nous attacher. Et pourquoi pas demain sur un navire, aller là-bas, vivre d'autres étés. La nostalgie, si c'est une maladie, aucun toubib ne pourra la soigner. C'est des étoiles dans nos yeux qui scintillent, et dans la tête, un voyage au passé. La nostalgie, c'est un cœur qui chavire, c'est un prologue de musicole en bleu, c'est un théâtre, un cabaret, un cirque, où tous les clowns ne sont pas malheureux. C'est un théâtre, un cabaret, un cirque, où tous les clowns ne sont pas malheureux.